Et oui, ça va être à toi, mon Guillaume. C'est un voyage aussi. Ça va, les amigos ? Oui. Alors, je vais pas vous parler de la guerre en Ukraine. Non. Ce matin. Mais c'est con parce que j'avais la solution. C'est vrai. Ah bon ? Mais dommage. Ah ouais, bah j'arrête la vodka. On les frappe au portefeuille, quoi. Vraiment, tu vois. C'est vrai que ma conso du week-end, je crois que j'ai financé 2 missiles, je pense. Si j'arrête la vodka, Poutine doit devoir continuer la guerre en faisant une cagnotte. De rien. Hein. J'ai d'autres idées. Macron, il a qu'à demander. Tu vois, il a encore mon numéro de l'autre fois quand j'avais dépanné pour la gestion du Covid. C'est moi que je lui avais dit pour les masques. Je lui avais dit que ça protège bien. Il m'a dit t'es sûr ? Mais je te le dis, Manu. Dans l'autre sens, Manu, le masque. Dans l'autre sens. Et en plus, tu peux pas trop l'évoquer l'Ukraine, parce que j'imagine que Tanguy Pastureau va le faire à midi 10, quoi. Dire tous les jours, il vient avec des blagues sur l'actu chaude. Ça m'étonnerait qu'il arrive justement aujourd'hui, en mode, faut trop que je vous parle de mon enfance, vraiment. Et c'est dommage, on saurait jamais pourquoi il vote Zemmour. Ça, c'est dommage. Arrête. Peut-être un chat perché qui a mal tourné à l'école. Je lui ai dit, en plus, ça c'est un trauma facile à gérer. Tu sais, c'est un ginto avec Mireille Dumas et c'est réglé. Tu passes à autre chose. Enfin bref, je peux pas vous parler de la tragédie en Ukraine. Je peux pas vous parler du Covid non plus. Oui. C'est déjà démodé le Covid, putain, c'est le nouveau sida quoi. Sérieux, le Covid, plus personne ne voit ce que c'est. Plus personne ne voit ce que c'est. Là, tu parles aux gens de la pandémie, tu vois, la pandémie. C'est bien joué Vladimir, non ? Tu vois, je veux dire, quelque part, il a éradiqué une maladie. Bravo. Nonobstant le fait que c'est un psycho, trop sympa le Poutre, non ? Ça va le Poutre. Imagine, ça se joue pas grand chose de crédibilité quand même. Il se serait appelé Vladimir Poutou, je veux dire, on aurait tous moins peur, quoi, non ? Allez, sérieux. C'est vrai. Du coup, à défaut d'une chronique décalée pour dire qu'il faut laisser une chance à la paix, je vais vous apprendre un truc. Ouais. Vous saviez pourquoi il n'y a que 28 jours en février ? Non. Il y a tout le monde qui dit « Putain, il est en train de nous fourguer une chronique sur le mois de février. » Ouais, j'avoue. Mais bon, déjà, c'est une chronique de vacances. Sur YouTube, on fait moins 40% de vues pendant les vacances. Daniel, il est en négatif, là. Il doit des vues à YouTube, je jure. Il va lui raconter des anecdotes chez McFly et Carlito. Bonne chance pour en trouver une qui ne tombe pas sous le coup de la loi, Daniel. Vraiment. En plus, en vacances, ça ne sert à rien de trouver un angle original. Nagui n'est pas là. Et quand Nagui n'est pas là, Leïla, elle n'écoute pas. Pendant les chroniques, elle est concentrée sur la suite de son interview. Je crois que je pourrais crier « Vive la Russie impériale, tous en Pologne !» Elle relèverait et pas. Tu peux crever pour jouer. 2 minutes trop, elle est, je jure. Dans 2 minutes, elle sera là. Nicolas Mathieu, plutôt tapis ou carrelage ? Enfin, je vais vous demander à vos convives d'enlever leurs chaussures. Enfin, vraiment, c'est le genre de question. Mais non, si t'écoutes trop, tu vas avoir des ennuis. C'est vrai, c'est genre en général. Mais soit, bon, il y avait un chouette article dans Slate qui expliquait pourquoi le mois de février, il a que 28 jours. Ça remonte à la première époque romaine, quand l'année, elle faisait 10 mois à l'époque. Et là, il y a un roi, Numa Pompilius, et il décide d'ajouter 2 mois pour coller au cycle de la Lune. Il ajoute janvier et février. Vraiment, ouais, c'est pas un terrible pouvoir, ça, honnêtement. Pouvoir ajouter 2 mois dans une année, au calme. Ouais, je veux dire, le Poutre, il peut envahir un pays, mais il pourra jamais dire, moi, octobre, je suis pas fan. On enlève, tu vois, franchement. Et le 15 août, c'est pendant 3 jours. Et mon année, tout un semestre. On ne pourra pas dire ça. Donc Numa, il ajoute 2 mois. Du coup, l'année, elle fait 354 jours. Mais à l'époque, à Rome, les chiffres pairs portaient malheur. Va savoir pourquoi, honnêtement. Mais bon, voilà, en gros, t'avais 2 yeux, t'étais maudit. Je sais pas pourquoi. Chacun son délire. On nous jugera aussi dans 3000 ans. Tu vois, dans 3000 ans, donc ils n'aiment même pas passer en dessous des échelles. Ok, vous avez compris les chats noirs. Enfin, tu vois, dans 3000 ans, ils diront la même chose sur nous. Bref, l'idée, c'était de passer 354 à 355 jours, un nombre impair. Mais pour ça, il fallait qu'un des mois de l'année soit pair. Parce que 12 mois impair, ça n'est forcément un nombre pair. Oui. Et je me fais pas d'illusions, je sais que je vous ai perdu il y a longtemps. Oui. Il y en a, je les ai perdus en mars 2003 avec cette chronique. Il y en a qui attendent Tanguy avec impatience. C'est dire comment je vous ai perdu vraiment, tu vois. Mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui me suivent. Bon, pour faire un nombre impair, Numa Pompilius, il a choisi de sabrer dans le mois le plus pourri de tous et de mettre février à 26 jours. 26 jours, t'avais ton annif le 27, de fait, t'avais un faux passeport, quoi. Je vous jure, monsieur l'agent, je suis du 27 février, ça n'existe pas. C'est quand même stylé comme raisonnement. Vous n'aimez pas février, c'est le mois le plus pourri de tous, on le raccourcit. C'est bien, non ? Si Macron, il fait ça avec novembre, je me naturalise, je vote pour lui, quoi. T'imagines, dorénavant, en novembre, c'est que 7 jours. Pendant la Toussaint, en plus. Ouais, très stylé. Le truc, c'est que 355 jours, au fil du temps, ça collait plus. 355 jours, ça collait plus aux saisons. Quoi, vous n'aimez pas mon histoire ? Écoutez, je vous apprends un truc pour une fois dans ma life, quoi. C'est pas tous les jours, quand même. Il est ivre. Et donc après 200 ans, ce qui se passait, c'est qu'il faisait moins 17 en juillet, quoi. Les Romains, ils étaient là. Moi, j'ai rien contre une pointe de nouveauté, mais c'est quand même chelou, non ? Donc ils ont dû rééquilibrer et faire 365 pour coller au nom. Et donc c'est Jules César qui a remis de l'ordre. Si vous écoutez pas, je sens que vous écoutez pas. Si. Sinon, vous écoutez pas. Et Jules César, il a augmenté plusieurs mois de 29 à 20. N'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi, c'est une vraie histoire. C'est dénoncé. J'écoute. Vas-y. Bref. De toute façon, je vais pas faire la chute. Ce sera de votre faute en représailles. Ce sera. Ça t'arrange, hein ? Ça t'arrange, ouais. Ma manière de dire je suis contre la guerre, je fais pas. Ah voilà, je fais pas de chute. Merci, bonne émission. C'était Rossignol.